Il est 19h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Bienvenue dans Electric Shock, votre magazine métal du mardi soir. Croyez-moi, ce soir, le métal en fusion, ça réchauffe, mais là, ça va réchauffer beaucoup plus. Plusieurs raisons à ça. Bon, déjà, j'ai quelques nouveautés à proposer, qui seront au nombre de 3. C'est vrai que j'ai fait mieux, mais enfin, c'est pas le plus important. Et on va faire aussi un petit voyage dans le temps aussi, et on va se remémorer un album mythique, culte, qui a vraiment donné un grand coup de pied dans la mare du monde du métal, puisque Metallica sortait son premier album, il y a de ça maintenant presque 40 ans, le premier album qui était Kill 'Em All. Et on va se faire des versions live tout à l'heure dans l'émission. Enfin, c'est pas le plus important. Le plus important ce soir, eh bien, si vous avez été à l'écoute la semaine dernière, vous savez de quoi je veux parler. Puisque je suis pas tout seul. Et oui, comme je suis un gros feignant, j'aime bien qu'il y ait du monde pour m'accompagner. Comme ça, ça m'évite de trop travailler. Et, j'aime bien faire ce qu'on peut. Je peux pas faire moi-même. Je le fais faire par les autres. Voilà. Non, enfin, trêve de plaisanterie. Comme je vous l'avais dit la semaine dernière, j'ai les trois quarts du groupe Sika qui est là ce soir pour donc nous parler de leur nouvel album, leur premier nouvel album, de leur projet, etc., de plein de choses, et on va parler de tout. Salut tout le monde, bonjour Jess, bonjour Vincent, bonjour Marc. Salut à tous. Nicolas, pardon. Ouais, ouais. C'est les inconvénients du direct. Hein. C'est pas grave. On a un nouveau membre, on savait pas. Ouais, voilà, ouais, un membre fantôme qui viendra vous aider en plus. Eh bien, je suis ravi de vous accueillir ce soir pour nous parler de cet album qui est sorti mi-février, là, qui est le tout premier. Tout à fait. Voilà. Le 17 février dernier. Voilà, donc on va diffuser quelques extraits au cours de l'émission et puis d'autres surprises aussi vous concernant. Voilà. Puisque tu as la gentillesse d'amener des petites choses. Voilà. Des petites pépites. Voilà. Bien, en ce moment, vous savez, si vous suivez l'actualité, on nous parle beaucoup de la retraite à 64 ans et autres. Ben là, il y a un groupe, je pense que ça doit faire rigoler vraiment beaucoup. C'est Uriah Heep, parce que Uriah Heep a fêté ses 50 ans de carrière là au mois d'octobre dernier, alors que ça devait se faire déjà en 2020. Mmh. Et ils continuent de plus belle, et ils ont sorti leur dernier album la fin janvier, qui s'appelle Chaos and Color. Bah franchement, quand on les écoute, c'est difficile à croire qu'ils ont 70 ans passés, tellement ils ont encore la pêche, et on se dit ils sont repartis pour 10 ans. Il n'y a pas d'âge pour la musique. Tout à fait, voilà. Mmh. Est-ce que vous aimez Uriah Heep? Je connais peu. Moi non plus. Donc je pourrais pas te dire, mais j'ai hâte de découvrir. Eh bien, c'est parti. Donc, extrait de Chaos and Color. On va se faire Fly Like an Eagle. Close your eyes, see down, can you find what you're looking for? série des papis font de la résistance, je voudrais Blue Oyster Cult avec That Was Me, un extrait de The Symbol Remains qui était leur dernier album sorti en 2020. Et juste avant qu'ils ouvraient l'émission, les vétérans de Uriah Heep et leur tout dernier album Chaos and Color que moi j'apprécie beaucoup, et c'était Fly Like an Eagle. Ça vous a plu? Oui, franchement, c'est sympa. C'est là que tu vois que la musique effectivement n'a pas d'âge. Si tu ne connais pas Uriah Heep, je te conseille les premiers des années 70, Very Heavy, Very Humble, Look at Yourself, Magician Birthday Party et autres. Okay. Tu vas te régaler. Bien. C'est noté. On va se faire la première nouveauté de la semaine. Alors là, on va changer complètement de registre avec du death mélodique. Avec le nouvel album de Monolith, groupe parisien qui nous a déjà sorti plusieurs albums. Et là, c'est leur tout nouvel opus qui est sorti le 3 mars dernier, qui s'appelle We Have Caught the Sun. Et on va s'envoyer une petite douceur qui s'appelle The Night to Bleed. Ça vous va? Parfait. Yes. Allez, c'est parti. Ah, un petit problème. Eh oui, ça c'est l'inconvénient du direct, hein, des fois. La platine me fait un petit caprice. J'ai l'impression qu'elle n'a pas envie de passer Monolith. Elle aussi est en grève. C'est peut-être pour les 64 ans, je sais pas. We'll be right back. Ce petit décrassage auditif vous était offert par Electric Shock. Et Electric Shock, donc, tous les mardis soirs entre 19h et 21h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. À l'instant, c'était Carcarias avec son nouvel album Afterworld et c'était The Hive. Juste avant, avec la première nouveauté de la semaine, Monolith avec The Night to Bleed, qui a eu du mal à partir, mais qu'on a fini par avoir, extrait de We Have Called the Sun. Et puis je vois que mes invités, ben, ils ont survécu. Ouais, c'était cool. Ouais, carrément. Bon, ça fait du bien un petit peu de def comme ça quand même, de temps en temps. Hein. Et bien maintenant, bah tiens, maintenant c'est à vous de bosser un peu, parce que quand même vous n'êtes pas venu pour rien. Justement, Sika, racontez-moi qu'est-ce que c'est Sika. Qu'est-ce que c'est Sika? Alors, Sika, donc à l'origine, c'est de l'électropop-rock. Et que veut dire Sika ou qu'est-ce que... Si tu dis de l'électropop-rock, il y a peut-être certains auditeurs qui sont en train de s'arracher les cheveux et de faire des bonds en train de se dire... Et qui vont vouloir me lyncher. Non, non, il y a une cohérence à tout ça. On vient du métal, il y a certaines influences que vous retrouverez dans certains titres qui seront diffusés ce soir. Sika, c'est un groupe qui s'est formé en 2019. Il y a eu le Covid entre-temps qui nous a un petit peu stoppé et nous a coupé un peu les pattes alors que certaines dates étaient déjà prévues. Mais on a su rebondir, on en a profité pour faire un bel album. Justement, c'est dans ces moments-là aussi que les choses se font tranquillement. Et on en est là aujourd'hui, presque 4 ans plus tard. On a signé avec le label MEO Music qu'on remercie et qu'on salue au passage. Et on est très content parce que notre album va être distribué un petit peu partout, Europe, Amérique. Pour des gens comme les Français que nous sommes, c'est toujours une grande fierté d'exporter de l'autre côté de l'océan et un petit peu partout en France aussi. Donc c'est plutôt cool. Alors comment vous est venue cette idée en fait de mixer aussi bien des... du métal, du rock, de la pop, voire même de l'électro. En fait, c'est très simple. Quand je vois j'aime pas dire ça parce qu'il y a des gens qui aiment, mais je trouve qu'aujourd'hui, ce qui passe à la radio est un peu pauvre et tout le temps un peu identique. Donc, on voulait faire ressortir tout ce qu'on avait dans le Walkman des années 90 à 2000 et faire ressortir les influences qui nous ont amené à faire ce qu'on fait aujourd'hui. Tout en se faisant plaisir au passage et être un peu caméléon, parce que plus le panel est large, plus c'est intéressant. Et ce qui fait une musique originale aussi. Les comparses ont quelque chose à rajouter ? Non, c'est plutôt bien résumé, effectivement. Et apporter les influences au travers de la différente sonorité, pas se limiter forcément à une base... basse, batterie, guitare, aussi apporter une touche d'électro pour pour faire une base, pour créer, c'est la base de tout d'ailleurs, ouais. C'est notre ciment sur lequel nous on apporte tout l'habillage autour, les arrangements, mais c'est vrai que c'est un beau mélange, guitare pour le côté rock justement, sample pour le côté électro, batterie, pad et basse pour le reste, donc c'est vrai que c'est... c'est un mélange sikien, quoi. Ouais, c'est un patchwork. C'est ça. Enfin, malgré tout, ce qui m'a surpris, comme malgré tout, c'est que malgré l'ajout de machines et autres, je trouvais que l'album sonnait quand même très organique et parce live, qu'il est. Quelque part. Parce qu'il l'est. On tient, quand on fait effectivement un mixage, à ce que les instruments soient au même niveau que ce que fait la machine, de manière à ce que même l'oreille se perde à savoir qui joue quoi. Et en concert, c'est pareil. Les gens sont affichés, nous disent, mais c'est... Il nous pose toujours plein de questions, mais qui fait quoi ? Parce que c'est là le piège, justement, quand on ajoute des éléments électro ou autres, de faire un truc carré, propre, mais qui sonne froid au final. Mmh. Là, les 3/4 des choses sont jouées malgré tout. Hein. C'est vraiment qu'une base, le sample. C'est ce qui va donner la ligne conductrice au morceau, mais le reste est joué et interprété par mes chers collègues. Voilà. Et cet album, vous l'avez enregistré où ? En home studio ? Vous avez été au studio Émergence, à Châteauneuf. Avec Stéphane Marchev, qu'on salue au passage, qui nous a beaucoup aidé également dans l'écriture de certaines petites choses, donc c'est super cool. On est sur des arrangements. Eh bien, on découvre cet album, alors il s'appelle It's Time, je crois que c'est le morceau là que vous avez choisi. Et de quoi ça parle par exemple, les paroles de ce morceau ? It's Time, c'est l'instant T, c'est ce que je dis souvent, quand t'as l'inspiration, c'est un peu comme un alignement planétaire, ça arrive rarement que tout soit bien aligné au moment où tu as envie de t'asseoir. Si tu dois composer, c'est à ce moment-là. Et ça résume aussi la période de vie dans laquelle je me suis trouvée au moment où j'ai composé essentiellement cet album. Il était grand temps que, bah, qu'on exprime ce qu'on avait à dire, et on a bien fait. La preuve. It's time. On découvre ? Allez. Allez, c'est parti. C'était It's time. Extrait donc du premier album de Sika. Tu sais quelle était ma première réflexion quand j'ai écouté l'album, en ne sachant rien du tout du groupe? J'ai dit, oh, la chanteuse a dû écouter beaucoup Kate Bush. Kate Bush, Björk aussi. Celui-ci, en l'occurrence, est assez björkien, on va dire. Mais c'est un peu ça quand je te disais tout à l'heure que je mélangeais les influences. C'est ça. Mais déjà, je ne connaissais rien du tout. Mais j'ai dit, ah oui, même au niveau des ambiances et autres... C'est l'époque, on a grandi là-dedans, hein, dans les Madonna, les Kate Bush, les Björk. Il y a tellement d'influences là-dedans, Massive Attack, même les Cranberries. Moi, j'ai beaucoup écouté. The Corrs, à l'époque, c'était des choses plutôt douces, mais autant que j'écoutais à côté du Sepultura, du Marilyn Manson. Ah, comme quoi, oui. Mais de son, faut être éclectique. Gathering aussi. Gathering, yes, ouais. Ah, The Gathering, ouais, ça c'est un groupe vraiment extraordinaire. J'ai eu l'occasion de voir plusieurs fois sur scène et à chaque fois j'étais bluffé, quoi. C'est vrai. C'était un groupe de l'époque. Là, on va parler d'anniversaire, là, parce que là, comme je le disais tout à l'heure en tout début d'émission, Metallica va, on sait qu'ils vont sortir un nouvel album cette année, mais ils vont fêter comme les 40 ans de Kill 'Em All quand même. Ça nous met tous un petit coup de vieux, en fait. Ça, c'est... Moi, je dis pas, ouais. C'est clair. Et je m'étais dit que ce serait bien de le revisiter un petit peu, mais en justement avec des versions live, parce que pour moi, Metallica, c'est avant tout un groupe live. Si vous avez eu l'occasion déjà de les voir... En DVD, mais oui. Une version avec l'orchestre symphonique était juste énorme. Ça, oui. Mais pour avoir vu Metallica en concert, c'est vraiment une tuerie et... Ils dégagent une énergie presque physique, quoi. C'est vraiment. Ils ont mérité là où ils ont, d'avoir fait ce chemin-là, je dirais. Absolument, ouais, parce que c'est vrai que j'imagine qu'un gamin de maintenant qui réécoute Kill 'Em All, il doit se dire, par rapport à tout ce qui existe, ah, c'est ça. Ils en ont fait tout un truc. Mais... Voilà. Mais à l'époque où c'est sorti, moi, je me souviens que ça avait foutu quand même. C'est ces époques où tu avais en fait des gens qui étaient capables d'instaurer, on va dire, un style, voire même un style vestimentaire. Parce que moi, j'avais des amis, mais ils portaient limite, je leur me demandais si même leur slip n'était pas à l'effigie du chanteur, quoi. Ils avaient tout Metallica, tout James. C'était James partout. Ouais, c'était la bonne époque. Mais c'est vrai que moi, à l'époque, Kill 'Em All, quand il est sorti, ça ne m'avait pas impressionné plus que ça. Pour moi, ça allait être qu'un feu de paille. Pour moi, c'était quoi, ni plus ni moins que du hardcore, mais joué à la sauce métal, avec un type qui braillait tout ce qu'il pouvait. Je me disais, ça tiendra un ou deux albums, et puis après, ça ira pas plus loin. Comme quoi, là, si je crois que j'aurais eu tout faux, si je m'étais fait embaucher à l'époque dans le magazine, je me serais fait sortir par la peau du cul vite fait, quoi. Et j'ai commencé à comprendre que vraiment le potentiel de Metallica, c'est quand j'écoutais le deuxième album. Je me souviens qu'à l'époque, un de mes potes, parce que j'avais pas accroché plus que ça, et il me dit, j'ai un copain, il m'a copié le Metallica, il est super. Je dis, ouais, ton truc qui va 300 à l'heure, là. Puis en écoutant le deuxième album, j'ai dit, on est passé vraiment d'autres dimensions, et depuis, ils n'ont pas arrêté, je trouve. Black Album, enfin, moi, je trouve que c'est un des meilleurs. Master of Puppets, mon préféré. Moi, c'est Ride the Lightning, parce que Master, je trouve qu'il est un peu trop léché. Et que c'est un petit peu un Ride the Lightning 2 quelque part, parce qu'on retrouve un petit peu les mêmes choses, même plus élaborées. Enfin, je crois que tout le monde aura un point de vue plus ou moins différent. Oui, c'est ça après. Donc là, on va revenir donc en 96, à un concert enregistré de Ervan Meadows, où Metallica donc avait fait une petite version de Whiplash qu'on peut trouver sur un bel maxi de Mama Said, qui est un extrait de l'autre, parce qu'à l'époque on sortait encore des maxis en physique. Ouais. Et là donc une petite version de Whiplash qui dépote vraiment à 100 à l'heure. J'aurais bien aimé passer des versions de l'époque de Cliff Burton, mais malheureusement j'ai pas le fameux coffret qui était sorti pour les 30 ans. Voilà. Donc on va se contenter de ces versions un peu plus récentes. Y'all need some fucking work. Yeah. cette version de moteur bref brut de décoffrage, et ben ça vous la trouvez sur vraiment un collector, sur un album qui s'appelle Fan Can Number 2, qui était sorti en 1997 et qui n'est disponible que par le fan club de Metallica, et dont j'en suis l'heureux propriétaire d'un exemplaire. Donc ça a été enregistré au fameux club Le Slim de San Francisco où Metallica a fait ses débuts le 10 juin 96 pour tous ceux qui veulent tout savoir. Et avant, la version précédente, c'était de Whiplash, qui était extrait donc du maxi Mama Said Part 1, parce qu'il y en avait en trois parties. Et Whiplash était enregistré à Irvin Meadows, pareil, à peu près au mois d'août 96 aussi. Ça fait toujours du bien entendre ça. Ça remonte. Ah bah ça... Fini ce temps-là. C'était presque le temps de l'insouciance, dis donc, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Ça... Justement, ça. Le fait d'avoir des temps quelque peu troublés aussi, ça peut inspirer aussi artistiquement aussi, donner des choses très intéressantes. Oui, bah ça c'est sûr. Ça, on manque pas d'inspiration en ce moment. Hein. Depuis quelques années où tout part un petit peu dans n'importe quel sens, il y a toujours des choses à dire. Ah, c'est vrai qu'une crise n'en attend pas l'autre. On a un peu le temps de se remettre d'une précédente. Que... Oui, c'est ça. C'est une terreur de. Ouais, c'est la théorie de la peur. Absolument. On continue dans du méchant avec, du heavy metal italien avec un groupe qui s'appelle Bastet, je ne sais pas si vous avez entendu parler. Dans du musclé, on dit. Oui, du musclé, voilà. Ah. Ouais, merci pour la rectification. Quoi. De rien. Avec leur premier album éponyme sorti cette année, ça s'appelle le morceau Anger in Your Eyes, où je trouve qu'il y a une chanteuse vraiment, je ne sais pas si ça peut se dire pour la voix, à poigne, non ? Ouais, qui a du coffre, quoi. Absolument. Allez, c'est parti. Yeah. Remember This Time, extrait de Never Surrender, le premier album des Français de Titan's Rage, du pur heavy, peut-être pas le plus original, mais c'est très efficace. Juste avant, les Italiens de Bastet et leur album éponyme Anger in Your Eyes. Ça vous a plu tout ça? Oui. Bastet, c'est sympa, hein. J'ai une blette. Eh bien, on est là pour parler donc du présent aussi, et puis du passé de... des musiciens, donc voilà. Justement. Comme tu as la gentillesse de nous amener des petites raretés, on va dire. Exact. Tu avais un autre projet qui s'appelait Silent, si je comprends bien. C'est le tout premier, parce que je voulais faire un clin d'œil. Aujourd'hui, on est pour le tout dernier. Et ben, du coup, ça permet de redécouvrir, peut-être que certains s'en rappelleront, mais voilà, un titre de Silent qui était d'ailleurs à l'époque sorti dans le magazine Rock One, qui était pour nous un graal des magazines de métal. Donc, on était super contents. Qui s'appelle, donc, le titre s'appelle Extreme. Et c'était sur ton deuxième album, c'est ça? C'était sur le deuxième album de Silent, ouais. Qui s'appelait? Qui s'appelait Extreme, justement. Tout simplement. Exactement. Et de quoi parlait ce morceau, si tu te souviens? Oui, je me souviens toujours des textes que j'écris. C'était justement, à l'époque, j'étais jeune et un peu plus en colère. On va dire que je décris dans cette chanson les deux côtés extrêmes d'une personnalité. En fait, on peut être, c'est mon cas et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme ça aussi, soit blanc, soit noir. Soit ça va très bien, enfin ça allait très bien, soit ça n'allait pas du tout. Mais j'étais toujours dans les extrêmes et je voulais atteindre cette demi-nuance qu'on atteint avec le recul et peut-être la maturité. Chose que j'ai réussi à faire aujourd'hui, j'en suis contente. Ça s'appelle pas être bipolaire, ça? Non. Non? Non, mais je suis scorpion. Après, je sais pas si les gens penseront la même chose et si on y croit, mais il est dit que c'est des caractères entiers et c'est pas faux que. Surtout plus jeune, j'avais du mal à être dans la justesse. En général, c'était toujours trop ou pas assez. Donc extrême, quoi. Ok, eh ben c'est parti. Voilà. C'était à l'instant, c'était C'était Extreme de Silent, le premier album, enfin deuxième album du premier projet que j'ai eu. Ouais. Et c'était sorti en quelle année? Alors j'ai plus le souvenir, mais je crois que j'avais 22 ans de mémoire à ce moment-là. Donc je dirais 2002. Ok. Par là. Début des années 2000, voilà. Ouais, c'est ça. Ouais, non, je pensais qu'il y avait l'année, mais sur le non, il y a pas l'année. Non, c'est ce que j'ai regardé tout à l'heure. Non. D'accord. Ouais, ça, c'était avant. Voilà. C'était au début du siècle, voilà. Oh, dites donc, c'est calme. Non, le temps est relatif, comme on dit. C'est ça. Non, mais je me rends compte que c'est ce que je disais au gars à l'instant, qu'il y avait déjà des influences de tout ce que on retrouve dans l'album, en fait. Voilà. Donc c'est marrant. Tiens, une question que j'ai envie de poser au gars, là. En dehors de Sika, est-ce que vous avez d'autres projets musicaux? Non. Non, pas pour moi. Après, d'autres pour toi? J'ai un autre groupe qui s'appelle les Wonders. Parle devant le micro, s'il te plaît. Ouais, j'ai un autre groupe qui s'appelle les Wonders, qui est un groupe plutôt funk, soul, hip-hop. Et puis, je joue parfois avec un autre groupe qui s'appelle Missing en tant que remplaçant pour le qu'on salue d'ailleurs. Voilà. On salue bonjour tout le monde. Missing, ouais. D'accord, oui, donc c'est très éclectique, on peut le dire. Exactement, c'est ce qui fait la richesse. Absolument. Bah tiens, on va changer encore de style, c'est ça, Electric Shock, hein, on passe un petit peu du coq à l'âne. Jeudi, ça ne vous aura pas échappé que c'est la Saint-Patrick. Donc, qui dit à Saint-Patrick, fête de l'Irlande, boire des binouzes, de monter sur les tables, danser, être complètement bourré. Okay, anniversaire. Voilà. Et en regardant le programme télé, je me suis aperçu que la chaîne 14, des fois, ils diffusent des bonnes choses, puisqu'ils auront la bonne idée de diffuser un concert de Dropkick Murphys. D'accord. Et ils ont choisi le concert du Hellfest de 2019. Et donc, pour pas rester en plan, on va nous aussi mettre du Dropkick Murphys. On va se faire un petit extrait d'un live sorti en 2002 qui s'appelle Live on St. Patrick's Day, justement enregistré le 17 mars 2002, où le groupe était accompagné en même temps de cornemuses, etc. Enfin bref, dans une ambiance de folie. Donc, extrait de cet album, on va se faire deux petits morceaux. Fort Boston, tout d'abord. Thank you. Human Upstart, c'était la légende du punk hardcore. Angelic Upstarts avec leur live Fiesta La Masse 2016, sorti 2022. Juste avant, les Dropkick Murphys avec leur live on St. Patrick's Day, sorti il y a de ça 20 ans. C'était Fort Boston et Boys on the Docks. Et les Dropkick Murphys, si vous regardez la télé jeudi soir sur la 14, ils seront en concert rien que pour vous dans votre petite lucarne. Et il est déjà plus de 20h06, et ouais, c'est le temps passe vite. Vous êtes toujours sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 en train d'écouter Electric Shock. C'est vrai que ça passe très très vite quand on est en bonne compagnie et qu'on a de la bonne musique, n'est-ce pas? Oui, c'est clair. Déjà un peu plus d'une heure. Ça fait du bien un peu de punk sauvage comme ça. Ouais. C'est bien pour le soir. Ça dépeuf. Voilà. Ça réveille. Si on a un petit coup de mou à ce moment-là, ça nous redonne un petit coup de pêche. C'est ça. Changeons complètement encore de registre avec la deuxième nouveauté de la soirée. Avec un groupe, là, je crois, qui a battu le record entre deux albums. Je crois que Guns N' Roses, là, ils sont battus. C'est un groupe américain qui s'appelle Ice Age. Ice Age existe depuis le début des années 90. Et c'est seulement leur troisième album. Alors, ils ont fait deux albums en 99 et 2001. Et depuis, c'était le grand silence. Mais depuis 8 jours, ils ont sorti enfin leur troisième album, qui s'appelle Waves of Loss and Power. Alors ça, c'est si vous êtes fan de Dream Theater, Rush, avec un côté un peu Styx, ce genre de choses. C'est très, très bien foutu. Et voilà. Tiens, on va le dédier à l'ami Chris de Prismage, qui, je sais, est un grand fan de Dream Theater et de ce genre de... Et qu'on salue au passage. Voilà. On y fait une bise virtuelle, voilà. Donc, extrait donc cet album de Ice Age. Le morceau s'appelle The Needle's Eye. Riding the marrow. Ice Age avec un extrait de leur troisième album Waves of Loss and Power, c'était The Needle's Eyes. Espérons qu'ils mettent pas autant de temps à sortir un quatrième album qu'ils ont mis là, parce que j'ai bien peur que... Ah bah le cinquième, ils seront morts. Hein. Il y a des grandes chances, oui. Eh ben, bossez un peu, lui, quand même. Oui. Ben, la suite va revenir donc à Sika. Exact. Alors, à vous la parole. Bien, on va vous présenter le futur single qui va bientôt sortir. Donc là, extrait de l'album It's Time, qui s'appelle Trouble. Teaser... On aura un teaser donc, qui sortira donc vendredi. Voilà. En prémisse du réel clip qui va sortir donc le 5 avril prochain. Donc là, c'est une petite exclusion, on peut appeler ça comme ça, parce qu'on ne l'a même pas encore annoncé sur les réseaux. Donc je viens d'avoir la date là, et ce sera bien pour le 5 avril. Donc il y a une belle ambiance, j'en dis pas beaucoup parce que justement je laisse la surprise pour ceux qui voudront voir le clip. Mais voilà, Trouble, ça parle des choix qu'on doit faire importants dans la vie, radicaux, aussi radicaux soient-ils, même s'ils ne sont pas toujours suivis par les personnes qu'on aime. Mais voilà, l'essentiel c'est de faire le choix avec le cœur, et en général quand il est fait avec le cœur, il est toujours bon. Bah tiens, justement, on peut le voir où ce clip? Vous avez un site où on peut le visionner, quelque chose? Ben, il sort le 5 avril sur YouTube. Donc il va être de toute façon le titre est déjà en vente sur Bandcamp, sur toutes les plateformes musicales, en streaming. Mais c'est le clip réellement qui va mettre en image ce qu'on avait en musique à partir du 5 avril. Il y a aussi un site internet Sika Group sur le web, tout simplement. www.sikagroup.com. Donc voilà, si vous voulez en voir un petit peu plus, n'hésitez pas. Eh bien, on va s'envoyer ce morceau tout de suite, donc Trouble. Trouble, trouble, trouble. Caps of fear. I Trouble, extrait donc de It's Time de Sika. Yes. Petite chose à rajouter ? Bah écoute, c'est ce que je disais, c'est marrant de l'entendre à la radio, enfin d'une manière différente que dans les supports qu'on a habituellement, donc ça permet de se rendre compte de ce que ça donne, c'est sympa. Merci. Je vous en prie. Tiens, j'ai pas oublié de vous demander aussi, vous faites quand même pas mal de concerts vous aussi là. Vous avez des concerts de prévus prochainement ? Oui, oui, oui. Bah là le tout prochain c'est samedi au Label Trempe. Donc à Chalette-sur-Loing au Hangar en compagnie de trois autres groupes, donc c'est un tremplin, hein, donc j'espère que les gens seront là pour nous soutenir. Et ensuite on joue dans le coin, donc à l'Octopub à Saran. Mmh. Ça va être le 14 avril prochain. Ensuite on a le 13 mai à la Brasserie du Vouret de Mardier, qui fait de la très bonne bière aussi, artisanale, qu'on a pu goûter avec grand plaisir, voilà. Et après, on s'en va juin. Alors juin, il y en a plusieurs. On fait les festivals Calmos du Dropkick à Orléans, qui est organisé par Patient Z, qu'on remercie au passage. Après, c'est le Saint-Lubin à Blois. Oui. Donc, le Saint-Lubin, c'est en juin. C'est le 15 juin. Après, le 21, il me semble qu'on devrait pouvoir retrouver le public d'Olivet à la fête de la musique, parce qu'on a été réinvité, et ça fait plaisir toujours de faire la fête de la musique. Un concert trottoir, c'est sympa, ça change un peu. Et puis après, on s'en va au mois de... À Loudun, le 8 juillet. À Loudun, le 8 juillet, dans le 86. Voilà. Ça fait, c'est chargé quoi. Et après on revient et on est à Marot au Pré pour les jardins en fête, donc le 9 septembre je crois. Le 10 septembre. 10 septembre, pardon. Enfin voilà, et puis d'autres choses qui arriveront peut-être entre temps, donc c'est plutôt bien. Ok, ok. Bon. De toute façon, tout se retrouve sur Facebook hein, pour les gens s'ils veulent voir. C'est dans nos pages de profil. Sur le site internet, exactement. On a mis les dates, il y a tout. Il y a tout. Donc voilà, c'est ce qu'il vous reste à faire si vous avez envie de suivre un petit peu plus. Et puis bah, vous, de votre côté, n'hésitez pas non plus à me faire connaître votre actualité. Mais pas de problème. Absolument. Je t'enverrai ça. Avec grand plaisir. Changeons un petit peu de registre avec du pop-punk ou de la punk-pop au choix, avec les Anglais de You Me At Six et leur nouvel album, leur 7e Truth Decay. Oh, c'est sympa, on va sauver un petit truc qui s'appelle God Bless the 90s Kids. Ça rappelle un petit peu ce que tu disais, les années 90. C'est ça. Donc on va rester un petit peu dans clin d'œil. Voilà, cette ambiance. Text on the weekend, the decision you'll regret. I wanna fill that space between your bones and lay you out across all the corners of the world. Trouble Négative avec un extrait de Shattered the Wanderers, le morceau 83 Days. Alors bon, je sais pas si je devrais le dire, c'était pas celui-là qui était prévu, mais bon, la platine m'a encore refait des siennes. Voilà, donc du coup, tant pis. C'est pas grave, c'est très, ça nous donne une petite ambiance de l'époque American Pie, un peu, c'est sympa. Complètement. Et avant, donc, les Anglais de Youth Me at Six et leur nouvel album Truth Decay, c'était God Bless the 90s Kids. On va revenir à quelque chose de beaucoup plus métal avec le dernier album de Worshelder que je vous ai présenté il y a quelques temps, mélange de heavy et de trash vraiment bien foutu, qui s'appelle Redshift. Et le morceau de ce soir, qui dégomme tout, s'appelle Parabellum. Avec un titre comme ça, on sait que déjà, ça va défroyer. Un petit peu. Ça va dépoutrer. Not Bad, isn't it? Eh ben, Not Bad, bah, c'est le nom du groupe des Parisiens qui viennent de sortir leur premier album, Spook Up Your Life, et c'était Alien's Journey. Et avant, on a eu un extrait du dernier album de Worshelder Redshift, c'était Parabellum. Sympa, ça, hein? Ouais, franchement, c'était sympa. Doublette. Est-ce que vous êtes prêts que je vous emmène aux Australies? Oui. Oh, oui. Ça vous dit? Bah, pour la troisième nouveauté, bah, je vais vous emmener en Australie, rencontrer la fille de Lemmy et de Joan Jett, et ouais. Au hasard d'une soirée bien arrosée, bah voilà, on a découvert que Lemmy et Joan Jett avaient voilà, une fille cachée. En tout cas, en entendant la voix de la chanteuse de The Strip, c'est la réflexion qui nous vient tout de suite à l'esprit. On se dit, ah, voilà quoi. Donc un groupe qui nous vient donc des antipodes de l'autre bout du monde, qui s'appelle The Strip avec deux P. Alors, si vous aimez votre rock'n'roll sale, bruyant, malodorant, qui sent le dessous de bras, la bière éventée tiède, la clope froide et le club de motards où il est Harley garé devant le rad, et si vous rentrez là-dedans, voilà, vous ne sentez pas très à l'aise, c'est le genre de groupe qui va jouer là-dedans, ça c'est sûr. Donc, ils ont sorti leur premier album fin 2022 en Australie, mais vient de sortir en France sur l'excellent label Bad Reputation, qui a vraiment le mérite de nous faire découvrir des pépites et de rééditer aussi des choses qu'on aurait pensé vraiment introuvables. Bah, l'album, c'est une profession de foi. Rien que le titre, c'est Ain't No Crime to Rock and Roll. Rien que ça, déjà, ça parle. On sait où on met les pieds. Et on va s'envoyer une petite douceur qui s'appelle Don't Feed Me Your Lies. Promise. You never saw a politician who wasn't a liar. Not even the Greens. It's all bullshit, man. It's all control. They want you to do what they say because their word is better than that other guy. Right? They're smart. You should be sufficient in yourself. You should do the best you can do. You should make the world a better place for having been in it. Yeah? Not self-love. You know, you should make it better. You should give it. All politics are assholes. Feel today, I only want to get away, I don't understand. Greedy Bastards, un des inédits de la réédition de l'album Bad Magic, l'album, le dernier album de Motorhead. Et ça fait toujours du bien à entendre du Motorhead. Hein. Alors, ils ont bien rigolé parce que le morceau qu'on vient d'entendre leur fait penser à Hotel California. Ouais, Lemmy, c'est incroyable. Il nous a fait penser à Eagles, et puis un petit peu désenroulé à Pink Floyd à un moment. C'était marrant. C'est vrai que tu peux la chanter par-dessus, en fait. On s'est amusé à le faire. Et je vais te dire, je me suis fait un petit peu la même réflexion aussi quand je l'ai entendu. Ah, ouais. Ça m'a rappelé le début, ouais, des Hotel California aussi. Ah, oui, on sent un morceau plus apaisé, malgré tout. Et juste avant, bah, la fille cachée de Lemmy et Joan Jett, hein, comme je le disais, venue d'Australie, donc The Strip, avec deux P, et leur premier album, And No Crying to Rock and Roll, Don't Feed Me Your Lies. Eh bah, ben tiens, on va revenir un petit peu au passé de Jess avec son ancien groupe. Ouais. Alors, il y a plein de choses à dire aussi sur le nouveau, mais c'est vrai que l'ancien fait partie des choses qui ont fait ce qu'on est devenu aujourd'hui, donc allons-y. Avec quel titre, du coup, alors tu avais dit Thunder. Ouais. Bon, je vais redécouvrir parce que, à force, ça fait longtemps que je ne les ai pas entendus, justement. Ça va faire du bien aux oreilles. Extrait de l'album Dark Side, sorti en 2004. Là, j'invente rien, c'est écrit sur le CD. Voilà, hein, voilà, j'ai triché, voilà. Voilà. Une petite question. Le bébé en photo, c'est toi? Ah non, pas du non tout. C'était, on a choisi une photo, on va dire, qui représentait l'enfance, mais c'était la mère du guitariste. Elle avait ce côté ancien, en fait, la photo que j'entends. Comme ça, on n'avait pas besoin de repasser dans quelque chose, de travailler. C'était déjà une photo qui datait un petit peu. Ok, eh ben, revenons en 2004 avec un extrait de Dark Side, Thunder de Silent. We'll be right back. Thunder, extrait de Silence, un ancien projet donc de Jess. Voilà, exactement. C'est bien, ça termine sur les notes de pluie, comme on peut entendre à travers les Vélux en ce moment. Tout à fait, bien, donc cette circonstance. Cette saison, tu vois. Ouais, ça ravive des beaux souvenirs. C'est ce que je me disais à l'époque, il y avait beaucoup moins de puissance, mais il y avait la douceur était là, il y avait un petit côté évanescence. Oui, ce que j'ai pensé, j'ai elle a dû beaucoup évanescence à cette époque-là. Détrompe-toi, en fait, ça a été écrit bien avant. Et quand c'est sorti, en fait, justement, on nous appelait un peu évanescence à la française, mais ça me faisait sourire. Alors, sur le coup, quand t'as 20 ans et que tu t'es kikiné à écrire ça, et qu'un groupe américain arrive et qu'eux, ils sont super connus, tu te dis... Mais je le prenais pas bien au début. Je me disais, mais non, mais nous, on était là avant, en fait. Et ça m'agace qu'on me dise qu'on fait comme évanescence. Et après, avec le recul, tu te dis, waouh, après tout, être comparé à un groupe qui vend des milliers d'albums et qui fait des bandes originales de Marvel, bon, en fait, non, c'est pas plus mal. Donc après, tu le prends bien. Voilà. C'est ce qui donne justement un petit peu ce que, bah, comme je disais, c'est le rapport avec ce qu'on fait aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, on est resté un petit peu dans, on va dire, dans des couleurs pas forcément comme avant, hein, à faire du métal, mais on a mêlé le rock, le métal, les influences qu'on a depuis toujours dans ce qu'on fait dans Sika. Et on écrit justement des textes sur tout ce qui nous inspire, les expériences de vie, tout simplement, hein, parce que c'est un journal intime, comme je dis souvent, qui est le mien à l'origine, mais qui peut être celui de tout le monde. Chacun peut se retrouver, s'identifier à une des chansons. Donc, et d'ailleurs, dans l'album, il y a deux chansons qui ont été chantées en one shot. One shot, ça veut dire, pour ceux qui ne sont pas pro-anglophones, en une fois, au niveau de la voix lead. Et je laisse le secret, parce que justement, le but, c'est de ne pas savoir lesquelles. Et toutes les autres, ont été le fruit de dur labeur, parce que ça a été une sacrée aventure, cet album. Donc c'était en condition live, quasiment, quoi. Ben, c'est surtout... En fait, t'enregistres, on va dire, comme d'habitude, sauf que c'est vraiment deux chansons qui ont été faites de bout en bout, sans qu'il y ait de coupure. Et c'est ce qui rend le morceau encore plus vivant, en fait. Mais avec ses petites qualités, ses petits défauts, c'est artisanal, c'est joli. On a le temps... il est 20h55, le temps passe très très vite. On va se faire un dernier morceau. Justement, on est tous pareils. Voilà, c'est ce qu'on dit, l'être humain se sent unique, mais au final, on se rend compte qu'on fait tous les mêmes choses aux mêmes heures, et la preuve, on va tous se quitter dans 3 minutes. Donc, avec le La pendule que tu as au-dessus n'est pas tout à fait à l'heure. Pas à l'heure. En fait. Non. Ça va, alors, on a encore un peu Il est 20h55, réellement. Ah oui, c'est voilà, vrai. Donc, 5 minutes. Et donc, le titre est We Are The Same, si je ne me trompe pas. Absolument, oui, oui. Et j'ai pas posé la question, mais j'imagine que Sika en concert, ça doit être quand même plus énergique que sur album, malgré tout. On en discutait tout à l'heure quand on s'est vu. Effectivement, on a fait le choix de 11 premiers morceaux qui étaient les plus doux et éclectiques pour, on va dire, que ça plaise un maximum de public. Évidemment, il y a 2 heures de set, et en concert, on joue donc les 13 autres, je crois qu'il y en a, je sais plus où. C'est ça, à peu près. Donc, et on garde effectivement des morceaux très rock pour les lives. Donc, et d'ailleurs, la suite arrivera dans le deuxième album, qui est déjà précomposé. Donc, voilà. Ça arrive. Petit scoop. Voilà. Le premier album est à peine sorti, que le deuxième est déjà. On va déjà faire vivre le premier, mais effectivement, oui, tous les morceaux sont déjà dans la boîte. C'est bien. Eh bien, donc, on va terminer avec Sika, le dernier morceau. Et après, on va se dire au revoir. Ben, c'est cool. We are the same. sisters, your intentions cause hold up my dreams. I'll finally found the one who loves me as I am and looks like me. To love appears, we are the same. To the same, c'était... Tu vois, il n'y a pas que du doux, Nancyka. Non, j'essaye ça. Mais c'est vrai qu'en concert, on a plus une énergie... Enfin, ce qui se passe en concert, c'est assez étrange, c'est que les gens arrivent en nous disant, soit je ne connaissais pas, parce qu'on est encore un groupe émergent, évidemment, soit je n'avais pas spécialement envie de me déplacer. Et puis en fait, quand ils repartent, ils disent, oh là là, je ne sais pas ce que ça m'a fait, mais ça m'a fait du bien. Il y a des moments où j'ai pleuré, il y a des moments où je suis partie ailleurs. Il y a des... Voilà, donc en fait, dans les concerts, c'est une énergie un peu magique qui se dégage. C'est envoûtant, c'est ce qui ressort souvent. Donc on ne cherche pas forcément à être énergique, mais par contre à faire appel à ce que tu as au fond de ton cœur. Voilà. Et tu sais quoi la réflexion que je me suis fait là, quand le morceau a commencé, on sent la filiation avec Silent qui était juste avant. Oui, non, mais c'est. C'est flagrant, là, bah, j'ai ce morceau-là, c'est un mélange 21 Pilots, c'est Mary J. Blige, en fait. Tu vois, c'est si tu veux faire la rencontre des deux, quoi. C'est nos influences, c'est un mélange de tout ça. C'est ce qui fait la richesse de la chose, justement. C'est ça. Voilà, et ben, c'est terminé, malheureusement. C'est vrai que j'aurai encore plein de musique encore à diffuser, puis on aura encore plein de questions à poser, ça, c'est sûr. Ah, ben oui, ça passe très vite, 2 heures. Voilà. Donc, bah, j'espère que ça vous aura intéressé. Parce que si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller sur le Facebook de Sika ou sur le site. Donc, Facebook, Sika officiel avec un i tréma. Sur Instagram, Sika Group avec un i tout court. Vous avez également le site internet www.sikagroup.com. Et puis, nous suivre tout simplement, voilà, sur les réseaux. N'hésitez pas à nous suivre, surtout, ce que les algorithmes aujourd'hui comptent autant que de faire de la bonne musique et des concerts. Et on vous remercie d'avance. Et puis, de toute façon, vous inquiétez pas, dans Electric Shock, il y en aura dans les semaines qui vont suivre et bien après, donc. Et on en profite quand même pour faire un gros bisou à notre batteur qui n'était pas là ce soir, mais qu'on salue très fort. Ouais, salut Chris. Chris, salut, voilà, Chris Molly et Digital Craft que je n'ai pas nommé, mais qui sont avec nous à l'initiative de tous les clips, hein, donc merci à eux. Voilà. Tout à fait, le clip Enjoy sur la chaîne YouTube. Voilà, et bientôt donc Trouble, Trouble, dont le teaser sort vendredi et le clip le 5 avril. Eh bien, merci à vous d'être venus. Merci à toi, Christophe. Bah, moi, j'ai passé un super moment. J'espère qu'il n'a été de même pour vous. Bah, tout pareil. C'était sympa. Ouais. À refaire. Et, voilà. Et bah, sinon, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres aventures métalliques. Donc, portez-vous bien. Écoutez plein de métal. Ciao à tous les auditeurs. Merci. Et Radio Arc-en-Ciel. Salut. Salut à tous. Salut. Bonne à semaine. Tous.